Moi, je voudrais avec vous connaissez un peu de d'évoquer un peu le cas de ces pays. Alors, regardons un peu ce qui s'est passé sur les 15 pays qui composent le Conseil. Alors, le Maroc et le Ghana ont appelé à la prudence. Les États comme le Nigeria, la Gambie, la Tunisie, le Cameroun, le Zimbabwe, la Namibie ont soutenu le Tchad. Refuser les sanctions. Ils ont refusé les sanctions. Qui a Pendant voté? que l'Ouganda et l'Afrique du Sud ont voté les sanctions. Ok. Non, l'Afrique du Sud s'est abstenue. Non, Mais non. l'Ouganda, L'Afrique du Sud la Sud s'est abstenue. Voilà, pardon. abstenue. Mais L'Afrique du Sud n'a l'Ouganda pas a pris voté. Je vous ai de toujours dit que position. Oui. Mussolini, Très bien, merci Maroc, beaucoup. Continuez. L'Ouganda a Il y a voté. trois Merci pour la précision. pays L'Afrique qui du ont Sud voté n'a pour pas nous. pris Oui, de s'est position. abstenue. L'Ouganda a Je crois voté que les c'est bien sanctions. corrigé. Il y a L'Afrique du trois Sud n'a pas pris pays. de Il y a trois position. pays qui ont voté pour les sanctions. Oui. Il y a l'Ouganda. Disais, il n'y a On que deux. soupçonne la Tanzanie. Voilà. Djibouti. Et Djibouti, certainement. Alors, quel un peu, lorsque vous regardez un peu cette cartographie, alors ça vous inspire quoi comme réflexion? La Prenons le cartographie cas du. Oui. des pays qui ont voté pour, ça veut tout dire. L'Ouganda n'a pas donné quelle leçon acquise en matière de droit. C'est-à-dire que vraiment, ça dit un criminel, C'est-à-dire un que si on veut. Politique. Vous allez les rire. On est obligé de rire. Hein. C'est-à-dire que le vieux père, là, nous on veut pas l'oublier, mais il veut qu'on parle de lui. Il n'arrive même pas à gérer son fils. Il n'a pas à gérer son fils. Il dit à son fils ne parle plus de politique. Il a fait chef d'état-major de l'armée de son pays. Il dit qu'il va prendre le pouvoir. Il menace même d'aller faire les guerres là où c'est le compte. Ton fils, hein? Il dit à son fils ne parle plus. Il dit tais-toi, tu es déjà vieux, je parle. Il n'arrive même pas à gérer son fils. Qui crée des incidents diplomatiques tous les jours là-bas dans la sous-région? Tous les jours. Tous les jours, il crée des incidents diplomatiques. On se demande même s'il ne filme pas la drogue. C'est ça. Son fils. Et ces pays comme le Cameroun, ouais, le Nigeria qui ont soutenu. Voilà. Allez-y, c'est vous qui avez la parole, voilà. Président Badakani. C'est-à-dire que. Parce que j'ai bien compris votre question. Tout à fait. Analysons la cartographie. C'est-à-dire que Bousséveri, c'est ce qu'on appelle le droit de l'homme. S'il faut analyser le droit de l'homme en fonction du paradigme occidental, tel qu'on impose là. Tel que c'est en cours, ce paradigme qui inspire Mahamat Fakir, Mousseveni peut parler. Vous voyez que c'est déjà un problème. Quand vous regardez ceux qui ont voté pour les sanctions, ça vous fait rire. Ça fait rire. C'est comme le chef bandit d'un quartier qui vote pour qu'on annule le banditisme dans un quartier, alors qu'il est le chef bandit. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vote là est nul. Vous savez qu'il est en train de voter qu'on l'arrête. C'est clair. C'est impossible. Non, il s'agit de transactions. Ce sont des transactions mafieuses qui ont derrière cette affaire. Maintenant, quand vous prenez sur 15 pays, 3 pays votent pour. Le reste, vous désavouez. C'est pas, il devrait démissionner. Ouais. Alors, nous, on parle là. Ouais. Il ne peut plus être le président de la Commission de l'Union africaine. Ouais. Il n'a plus de crédibilité. C'est fini. Il doit démissionner. Ça fait bientôt plus d'un an que j'attire l'attention des Africains ici tous les jours ouais. sur la manœuvre de ce monsieur. Ouais. Vous savez pourquoi je le fais, hein? Président. Nous, on le sait ici. Ouais. Nous avons trop investi sur ce monsieur. Trop. Ici. La sous-région a investi sur ce monsieur. Ouais. Il est l'objet d'un consensus qui a été obtenu de haute lutte ouais. entre le Tchad et la Guinée qui se bagarrait. Ouais. Et nous sommes en train de regretter pourquoi nous avons laissé notre jeune ministre là. Il s'appelle encore notre Bamokui. Bamokui. Il y a eu des transactions terribles pour aboutir sur ce monsieur. Il est en train de trahir pas seulement le Tchad, il trahit la sous-région. Merci. C'est un traître. C'était le candidat de la CEMAC. Ça fait plus d'un an que j'attire l'attention de l'Afrique sur ce monsieur. On fait comme si, comme d'habitude, les gens font comme s'ils n'entendent pas. Ouais. Mais comme Dieu veille sur l'Afrique, enfin son visage est connu maintenant de tous. Ouais. D'abord, le paradigme des droits de l'homme. Ce qu'il fait là. Allez lire la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Allez la lire. Ouais. Et vous allez voir si sa démarche va dans ce sens. Voilà. C'est un document officiel de l'Union africaine. Hein? Ouais. C'est un document officiel. C'est un document normatif de l'Union africaine. Ouais. La charte africaine des peuples. Ça veut dire que tu peux te baser là-dessus pour engager une procédure contre l'État au niveau de l'Union africaine. Oui. Allez lire cette charte là et vous allez voir si sa démarche. Conforme à ça. C'est pas pour rien qu'on dit en Afrique la charte des droits de l'homme et des peuples. Le mot n'est pas par hasard. Oui. On s'inspire depuis la charte du Kourou-Kanfouga. Kourou-Kanfouga. Notre approche des droits de l'homme n'a rien à voir avec l'approche de l'impérialisme. Rien à voir. Donc, la question des droits de l'homme qu'il évoque est purement instrumentale. Et c'est honteux. Il instrumentalise la question des droits de l'homme pour ses ambitions personnelles. C'est ça qui est inacceptable. Pourquoi je vous dis ça? On va aller pas à pas. Le régime de Déby, prenons-le comme ça, qu'il a fabriqué, il a été ministre, premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Chef de cabinet. Chef de cabinet, tout et tout. C'est un régime qui, durant toute son évolution, était, comment on dit ça, était présenté en matière de droits de l'homme. Si on prend ça du point de vue que M. Moussa Faki est en train de prendre là, je vous dis qu'on va aller pas à pas. Commençons par là. Est-ce que donc le régime Déby, avant que le fils là n'arrive dans les conditions que nous connaissons tous, le régime Déby dont il a été ministre, il a été, c'est un fils, on appelle ça un baron du régime. Oui, exact. Ce régime là, si on l'analysait de ce point de vue, que lui, même point de vue que lui, n'est-ce pas, à ce qui concerne le droit de l'homme, est-ce que c'était un régime défendable? On le défendrait? Aucunement pas. Mamad, il oublie qu'il est aussi responsable du passif des débits. Et si c'est qu'il est concerné par le passif débit, ouais. Si on veut parler du passif débit, ouais. Il faut quand même que les gens soient responsables. Il faut être responsable. Il n'y a que des types comme ça pour se comporter comme ça. Un peu de responsabilité. Qu'est-ce que Mamad Faki peut dire à Mamad Déby? Ils ont servi le même père, le même régime. C'est ça. C'est les enfants d'un même père. Propre. Qu'est-ce qui les oppose? C'est quoi le fondamental? Sinon, c'est le pouvoir. C'est tout. Il faut d'abord qu'on démontre ça. Que c'est le pouvoir qui les oppose. Ce n'est pas une différence de vision. Ouais. Parce qu'en termes de vision, ils sont les fils d'un même père. Ouais. Maman n'a jamais critiqué le père Déby de son vivant. Jamais de la vie. Il ne peut pas ouvrir sa bouche. Donc, il assume toute la vision de Déby. Je préfère Mahamat fils qui, lui, l'assume ça. Ouais. Il assume ça. C'est propre. Il n'est pas dû de l'occasion pour aller se blanchir, faire comme s'il n'a jamais été. Mamad Faki est autant comptable des crimes de débit s'il en a fait que tous les débits. Bien sûr. Et s'il est un homme sérieux, comme on dit chez nous, s'il est garçon, il doit l'avoir assumé ça. Et s'il assume ça, il n'a pas une telle approche de la question des droits de l'homme. Il n'est pas sérieux. Et dans le contexte tchadien, les choses n'analysent pas comme ça. Ça, c'est un. Vous demandez est-ce qu'il est en train de faire son travail. Je vous démontre qu'il n'est pas en train de faire son travail. Allez-y. Alors, je vous le démontre. Vous, allez-y. Vous avez posé la question. Tout à fait. Et je vous démontre en quoi, à partir d'un pareil avec ce monsieur-là, il faut le chasser de l'Union africaine. Et nous interpellons donc l'État tchadien. Nous interpellons Déby, Mahamat Déby Idno, le fils qui est au pouvoir là. S'il est cohérent, l'homme dans sa démarche, je parle du président du chef du comité de transition, hein. Oui. S'il est cohérent, il doit demander maintenant, il doit retirer le mandat du Tchad à ce voyou. Oui. Il a dépassé les limites, il a franchi les limites. Et je pense que lui-même le sait. Et je vais vous dire d'autres motivations qu'il y a derrière le vote des autres pays qui ont voté contre. Je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Moi, je vais vous lire deux articles ici. Ça, c'est la charte de l'Union. Je suis en train de lire le texte fondateur de l'Union africaine. Oui. Voilà. Parce qu'il faut qu'on parle en lisant ces choses-là. Je voudrais vous montrer le travail de la commission. Vous devez savoir ce que c'est que la commission. Oui. Voilà. Vous devez demander de nous dire, est-ce qu'il fait son travail? Donnez-moi un peu de temps. Je vous en prie. Faut que je retrouve ça. Président Badakani, prenez votre temps. Voilà. Article 20. Il a créé une commission. Écoutez bien. Ça, c'est l'acte constitutif de l'Union africaine que je suis en train de lire là. Ouais. Il a créé une commission qui est le secrétariat de l'Union. Oui. On parle français, hein? Il a créé une commission qui est le secrétariat de l'Union. La commission est composée du président, du ou des vice-présidents et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la commission. La structure, les attributions et les règlements de la commission sont déterminés par la conférence des chefs d'État. Donc, en fait, le président de la commission, c'est un secrétaire. C'est tout. Le poste, c'était secrétaire général. Oui. Sur l'OUA. On a seulement changé. C'était secrétaire général. Pour donner une dimension technico-administrative. Alors qu'avant, c'était purement administratif. C'est la même chose. le seul poste politique qu'il y a dans la loi constitutive, dans la conférence des chefs d'État. C'est tout. L'organe suprême. L'organe suprême. Qui définit la politique et les orientations. Maintenant, quand un président de commission, dans un rapport, dit qu'il faut sanctionner un État, il est encore dans son rôle? Non. C'est ça. Il faut comprendre. Non, il n'est plus dans son rôle. Quand on est assis ici, il n'est plus dans son rôle. Il faut qu'on fasse des démonstrations parce que les gens nous regardent dans le monde. Oui. Ça, c'est une tribune de nous regarder dans le monde entier. Oui. On nous triche même. On nous regarde partout. Les services secrets américains parlent ici. Le Bien sûr. Quand on est assis ici, Joe Biden, le CNI demande qu'on suive. Le Tintin de l'Élysée demande qu'on suive. Tout cela, ils nous écoutent. Je vous le dis, je parle à mon visage. Ils nous écoutent. Ce sont des enfants. C'est ça. Vous ne connaissez pas l'autorité de votre plateau, moi, je vous le dis. Oui. Alors, je vous dis comment. Est-ce qu'il est en train de vous demander, monsieur le président, est-ce qu'il fait son travail? Moi, je vous réponds sur la base de l'acte constitutif de l'Union africaine. C'est un petit secrétaire. Oui. C'est un conseiller de la conférence des présidents. C'est tout. Il a donc outrepassé ses rôles. Mais attendez. Il a fait plus que ça. Largement. C'est pas son boulot, là. Et c'est lui qui vient exposer. Je vais aller même plus loin. Je vais vous montrer là où il est encore plus violent encore son rôle. Vous allez voir au niveau des principes de l'Union africaine. Parce qu'il faut qu'on parle. Parce que les gens ils pensent qu'ils savent lire seuls. Ils disent qu'ils sont diplomates. Ils lisent seuls. Oh, ce téléphone m'embête un peu. Mais on va y arriver. Les principes de l'Union africaine. Le droit, j'ai retrouvé ça. Article 4, au niveau des principes, alinéa H, maître. Oui. Page 9, 22, je lis tout. Oui. Vous pouvez aller regarder vous-même. Le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre, écoutez bien, sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. Oui. Même dans le cas président, tout comme ça, c'est bien encadré. Oui. Sur décision de la conférence. Le chef d'État. Oui. Le bien encadré. Donc c'est la conférence qui peut déléguer. Depuis quand un petit coursier qu'on a habillé par politesse du titre de président de la commission, on a accepté même ça parce que on connaît qu'il y avait derrière le faux commission. On voit tout à l'heure, je reviendrai. Il se prend pour fond de l'ail, qui est d'ailleurs son ami, avec qui il est très lié. Allez savoir ce qu'il est lié. C'est ça. Et vous voyez les yeux sur l'engagement de Mahamat Fakir à venir vacciner les Africains. Oui. Ça vous dit rien? Oui. Il voulait le vacciner pourquoi? Il était en première ligne, il voulait me transférer les États-Unis à l'Afrique. Pourquoi il voulait faire ça? Parce qu'il est l'ami de Fondeur Leyen. Ursula von der Leyen. Et qui est Ursula von der Leyen? Quelqu'un qui n'a aucun pouvoir d'élu, elle n'a aucun mandat électif, n'est-ce pas? Ouais. Mais en plus, c'est une chef mafieuse, une criminelle, qui, à cause des commissions que son mari allait gagner, parce que son mari et Pfizer sont dans le délit d'initié, a fait signer le contrat le plus honteux de l'histoire de l'humanité à l'Union européenne. Et M. Moussa Fakir venait ici nous dire qu'il faut qu'on se vaccine. Il n'y a pas de hasard. Alors, voyez, donc, je viens de vous démontrer, à tout point de vue, au regard de l'acte constitutif de l'Union africaine, que ce monsieur ne fait pas son travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière sa volonté d'outrepasser son travail? Je vais vous dire maintenant. L'Union africaine, la tête, elle est là. Nous, parce que nous disons que ce n'est pas une organisation africaine. Oui. Nous, on dit ça. Parce que ces salaires sont payés pour la plupart du temps et leur budget est financé par les ennemis du continent africain, l'Union européenne. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas une organisation africaine. Tu as tout dit. C'est comme la CPI. Oui. Mais nous avons dit que comme ça vient, comme c'est. On vient entrer dans nos maisons sans demander notre avis et on force d'entrer, on nous oblige à héberger les gens chez nous de force. Nous allons là, quand tu poseras un acte positif, on va apprécier. Ouais. Donc nous traitons de l'Union africaine par défaut. Faux. C'est-à-dire que c'est par défaut qu'on traite ce sujet-là. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui. Par défaut. Pourquoi il fait ça? Il y a une bagarre à l'heure actuelle, c'est pas public. Il y a une bagarre entre la bureaucratie de l'Union africaine, coiffée par son chef, parce que c'est un chef secrétariat, c'est son travail, et la conférence des chefs d'État. La bureaucratie de l'Union africaine, dirigée par M. Mahamat Fakir, veut jouer l'Union européenne, qui veut affaiblir la conférence des chefs d'État pour donner le pouvoir à la commission. Merci. Ce débat a eu lieu quand on célébrait l'anniversaire, quand on faisait l'anniversaire de cette affaire, on a décidé de faire des audits pour évaluer le bilan de l'Union africaine. Monsieur Mahamat a influencé un audit qui disait que le problème de l'Union africaine, c'est le pouvoir de la conférence des présidents. Je parle français. Hein. Oui. Mahamat a influencé l'audit, manipulé par l'Union européenne, qui veut achever de mondialiser l'Union européenne. Pour faire de l'Union européenne, pour faire de l'Union africaine, une annexe politique de l'OTAN. Est-ce que vous écoutez là? Donc, le combat là, quand il parle comme ça, les présidents, que s'ils veulent comprendre ce que c'est en train de dire, c'est un combat sourd. Comme les chefs d'État sont coincés même avec les partenaires qu'ils ont signé avec l'Union européenne et que ça génère des financements, ils veulent, et d'autres aussi, ça garantit un certain niveau de taxes et d'argent que ça rapporte en termes de devises, les présidents manœuvrent serré. Mais Mahamat, vous vous dites que ce gars-là, c'est un danger pour le continent africain. Il y a un danger, Mahamat Fakir. Moi, quand vous voyez cibler quelqu'un, je ne le fais jamais par hasard. Je prends le temps de m'informer sur lui. Je me suis informé sur ce monsieur qui, une fois devenu président de la commission, s'est retourné. Il s'est retourné immédiatement. Donc, la commission européenne pousse par derrière pour corrompre toute la bureaucratie. Ils sont déjà corrompus. Parce que leurs salaires sont payés en euros. Ils sont déjà corrompus. Pour pousser une réforme de l'Union africaine dans le sens où on va déposséder les chefs d'État de la conférence des chefs d'État de leur pouvoir politique. Parce qu'on va dire en disant que ce sont les dictateurs. C'est un syndicat de dictateurs. Et comme les Africains, c'est comme ils sont. Dès qu'ils vont entendre ça, ils vont fermer les yeux pour savoir quel est le véritable but de la réforme. C'est ça. Et les factifs vont prendre le pouvoir. Et on sera mort effectivement en Afrique. Ça va être grave. Puisque ça deviendra une fois pour toutes une annexe de l'OTAN. L'Union africaine dans cette affaire, c'est quel est le compromis qu'elle a dedans? Le compromis est quoi? C'est que les présidents ont dit que, OK, comme les Blancs pensent qu'ils sont sages que nous, on va manœuvrer. D'abord, c'est notre argent qui prennent depuis. Et puis, nos pays, on ne peut rien dire parce qu'ils vont nous tuer. Bon, on va prendre les budgets. Oui, ils financent, on prend. Mais la conférence des présidents, là, on bloque ça. On bloque là-bas. De manière qu'ils prennent notre argent, mais ils ne contrôlent pas l'organisation. C'est tout. Ils peuvent financer forcément l'organisation, mais ils ne contrôlent pas ça. Parce que nous, à travers la conférence des chefs d'État, on trouvera toujours moyen de manœuvrer et de bloquer leurs décisions. Tout à fait. Maman Fakir veut détruire ça. L'Union européenne en a marre de ce fonctionnement-là. L'Union européenne en a marre. Elle ne peut pas aussi couper ses financements parce qu'elle a besoin souvent de l'Union africaine pour jouer son universalisme de pacotille, de sorcellerie. Oui. Elle a besoin de la façade de l'Union africaine. Même des marchés. Et des marchés et tout et tout. Donc elle est obligée de financer. Oui. En même temps, elle est coincée parce que la conférence des chefs d'État, là, ça dérange. Ça dérange. Les gars, restent toujours à manœuvrer. On est obligé de dire ça maintenant en public parce qu'on va louer. On nous a poussé à parler de ça. C'est tout qu'on sait pas dire. Parce que nous respectons le partage de temps en temps. Sauf quand ils exagèrent. Comme celui qui est au Ghana. Il a commencé à voir les problèmes. Présent, il a 46,7% d'inflation. Nous lui avons dit. Mais on disait que c'était la bonne économie. Non, laissez les gens qui s'amusent, qui voient avec leurs yeux. Tu avais raison de nous dire sa monnaie bientôt. Ça vaut rien. Et il sera jeté par terre. Tu avais raison. Les histoires d'anglo-saxons, là, c'est ça. Voilà, maintenant, tu lui, les marches ont commencé. On va voir comment. De bonne heure, là. Si les marches la continuent, on verra comment il va gérer ça. On lui a dit de ne te mettre pas les affaires du Mali. Comme tu parles, tu es en train de vouloir te maudire. Mais comme c'est un ami de Ouattara, c'est un poulain de Ouattara qui était invité d'honneur à son université. Vous comprenez bien qu'il est un garçon de couche. Donc, je suis en train de vous dire donc, que voilà dans l'Union européenne, n'est-ce pas, qui manœuvre, mon cher ami, pour affaiblir le pouvoir de la conférence des présidents, des chefs d'État, et donner ça à la bureaucratie. À ceux qui sont payés là, tous les gens là qui mangent là, qui sont payés à dollars, et qui envoient leurs enfants fréquenter dans les universités européennes, qui ont des visas sur 100 ans, machin, tous les avantages qu'on donne aux faux noirs là. Ils sont ça. C'est ça la bataille. Et Fakir joue ça. C'est pour ça qu'on l'a envoyé là-bas. Vous voyez? Et en retour, il devait devenir président tant qu'il a fait le job. Voilà. Il est coincé. Ça a été dur même lors de sur le Mali. On vous a dit ici qu'il y a eu deux blocs. Quand les Français ont manœuvré au niveau de la CEDEAO, ils ont voulu imposer, avoir une résolution de l'Union africaine pour aller organiser la sanction du Mali à l'ONU, pour qu'on coince le Mali à l'ONU. La conférence des présidents, il y a eu une réunion, un sommet extraordinaire à Malabo. Vous savez ce qui s'est passé là-bas, non? Vous dites que ça. Dit, la France a dit ça. Fichez le camp avec ça. On lui fait une résolution, on lui a dit on fait une déclaration. C'est nul, ça veut rien dire. Ça veut rien dire une déclaration. Nul. Donc vous ne pouvez pas mener ça à l'ONU en vous basant sur le principe de subsidiarité pour dire à l'ONU que comme les Français font, que voici, nous avons un document de l'Union africaine. Ils sont d'accord avec nous, sanctionner le Mali. C'est tout. C'était la manœuvre du petit Tintin de l'Elysée, comme je l'appelle. Petit Tintin de l'Elysée, comme moi je l'appelle. Les fakirs roulent pour ce genre de choses, monsieur. Vous voulez qu'on accepte ça? Quand vous analysez une situation comme celle du Tchad, ne restez pas seulement ce qu'on appelle une lecture factuelle de la situation, et voyez les choses dans leur ensemble. Quand on analyse une situation, on tient compte de tous les aspects. Donc Mohamed Fakir, il joue un jeu dangereux. Donc il a outrepassé son travail. Deuxièmement, pourquoi il a outrepassé son travail, mon cher ami, monsieur le journaliste? Il y a ce qu'on appelle un des principes fondamentaux de l'action de l'Union africaine, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Voilà un juriste qui est devant nous. Oui. Oui. Alors, dans la hiérarchie des normes juridiques et dans l'ordonnancement des juridictions et des institutions, du national au sous-régional, du sous-régional au continental, du continental à l'universel, dont les Nations Unies, je dis que je parle encore sous le contrôle d'un juriste. Oui. Il y a le principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi? C'est que celui qui est proche connaît mieux une situation. Question. Si une institution qui est proche et qui connaît mieux une situation juge et définit une situation, là, elle va te dire quelque chose. Non, vas-y, tu es dans le sujet. Merci, maître. Tu es dans allez-y, le sujet. Allez-y, président Badakadi. Dis une chose, l'organisation suprême respecte ce principe. Ça veut dire quoi? Terminé. La CEAC, d'après le principe de solidarité, s'est réunie de façon extraordinaire et a désigné à la CEAC, il y avait des présidents. C'était une conférence de présidents. Deux présidents. Président, avec votre permission. Allez-y. Vous venez de percer l'abcès. Parce qu'il a été dit à Moussa Faki Mahamat que son rapport n'a rien à voir avec ce que les présidents de la CEAC ont décidé sur la situation au Tchad. Merci beaucoup. C'était une honte pour lui. Ouais. Et je suis. Merci beaucoup, président. Ouais. Vous savez, quand on laisse de toute façon pour pas parler, nous on connaît tout ce qu'on fait. On connaît de quoi on parle. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Ils sont toujours que je vous démontre par toi, vous que ce monsieur-là, il est là. Il faut seulement le chasser de l'Union africaine, mais l'enfer, il faut même le mettre en prison. Il a trahi tous ses engagements. Oui. Pourquoi? Parce qu'il mange dans la main des blancs et il veut ça pour arriver au pouvoir, pour venir imposer un agenda étranger. Avec votre permission, une autre interruption. Moussa Faki Mahamat a relevé de ses fonctions Dr. Arikana Chiombori-Kwa, qui a demandé aux impérialistes de libérer les pays africains avec leur monnaie qu'ils fabriquent et qu'ils imposent à 14 pays africains. Moussa Faki Mahamat, appartenant à un pays d'obédience CFA en économie, a limogé Dr. Arikana Chiombori-Kwa. Vous savez ça? Quand tu te baisses chez nous là pour regarder les fesses de quelqu'un, il y a quelqu'un qui voit ta part. Il y a 15 personnes qui regardent tes fesses. Décidément, c'est oui. Allez-y. Non, c'est la deuxième. Oui. Parce qu'il y a une autre dame, c'est toujours une femme, qui a parlé à l'ONU à l'avantage du Mali. Elle aussi, elle a été limogée par moi, Moussa Faki Mahamat. Mais ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. On oublie seulement le nom. Elle doit venir d'un pays, entre guillemets, anglophone. Je vous dis que quand moi, c'est pas pour rien que depuis longtemps, je vous l'ai dit, je dénonce ce monsieur ici là. Depuis au moins un an, je le dénonce. Pas par hasard. J'ai pris le temps de l'observer, de l'étudier. Il nous a trahis. Nous, on ne dormait pas ici. Oui. Pour faire lire ce. Non, c'est vrai. Ce voyou. C'est un voyou. Maman Faki, c'est un petit voyou. Président Badakadi. Non, il n'y a pas de président. Vous savez que je. Vous savez, j'ai commencé mon affaire comme ça. Non. Président, vous savez que moi, personnellement, j'ai du mal à accepter certains vocabulaires sur ce plateau. Vous le savez. Que vous êtes contre ce vocabulaire. Est-ce que je l'insulte? Vous pouvez croire que c'est un fou. Je n'ai pas dit que vous l'insultez, mais on peut changer de mot. Non. C'est le voyantisme professionnel. Je vous dis que je ne suis pas un fou. Quand j'ai utilisé un mot. Je n'ai pas dit ça. Prof. Voilà. Je suis pas en train de l'insulter. Je dis ce qu'il est. Vous le trahissez par la confiance d'une sous-région. Comme ça. Oui, bon, ça passe. C'est pire que le voyantisme. C'est pire que le voyantisme. C'est un petit voyou. Non, je donne la définition. Oui, il faut expliquer cette chose-là. Voyou de Petit Robert. Petit Robert, hein. C'est lui là, tout le monde voit. Professeur Belek, est-ce qu'on a besoin de lire? Est-ce qu'on a besoin? Je vous dis pourquoi c'est. On peut avancer. On n'a pas besoin de ces explications. Je vous dis pourquoi c'est. Il qualifie voyou, homme du peuple ayant des activités délictueuses, Deuxième synonyme, mauvais sujet au moyen d'existence peu recommandable. Si c'est, pour l'argent, c'est voilà, vous avez à l'Union il européenne. Il est peu recommandable à l'Union africaine. Bon, professeur Badakane, c'est un voyou. Merci, professeur. Donc, c'est un président Badakane, est-ce qu'on peut avancer? C'est pas une insulte. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit pourquoi j'ai pris sur moi d'attaquer le combat sur le monde correct. Qui sert de carcan à ce qu'on appelle diplomatie et qui nous tue depuis. Vous voulez dire que si vous respectez des criminels, vous ne pouvez pas les affronter. C'est vrai. Si un criminel est devant toi, tu ne peux pas le respecter que non, c'est un président, c'est ceci, d'un machin comme ça. Si c'est fini, tu es mort, il va t'enterrer. C'est tout. Nous avons décidé de déshabiller le vêtement de la communauté internationale et du droit international qui protège des criminels, des voyous, des délinquants. Vous voulez que moi je respecte Joe Biden? Vous voulez que je respecte Ursula von Leyen, Macron, Trudeau, les bandits de l'Angleterre? Si je ne peux pas les appeler tels qu'ils sont, c'est fini. Il faut seulement qu'on applaudisse sur les crimes qu'ils font et qu'ils nous imposent, monsieur. Quand des gens organisent la mort des innocents à travers une pandémie qu'ils ont inventée, vous les appelez président? Vous qui êtes si fort à les demander contre vos présidents, qui sont des petits tueurs. Des petits tueurs qui ne savent même pas tuer. On les arrête parce qu'ils ne savent pas tuer. Des gens qui savent tuer, qui tuent et rendent invisibles leurs crimes. On les prend main dans le sac. Vous les appelez président. Donc Macron, c'est un grand président. Hachem Mbembe peut saluer Macron. Macron crache, il lèche, mais il est un peu bien dictateur. Il faut bien tuer plus que Macron. Macron a rasé tous les vieux en France à travers le Covid, à travers le Rivotril. Maintenant, il a établi que c'était un faux vaccin, que le vaccin-là, c'est un vaccin tueur. Et si je viens ici appeler Macron petit inter, vous me dites que ben, le président, vous n'êtes pas, c'est pas respectueux. C'est un criminel. Macron doit être fusillé. Pareil pour Joe Biden. Pareil pour Trudeau. Pareil pour la criminelle qu'on appelle Ursula von Leyen. Et nous, on se bat comme ça aussi pour les peuples européens qui sont sous le poids des dictatures, qui n'arrivent même plus à respirer. Dictature techno-bureaucratique, monsieur. C'est le mot. Nous aussi, on se bat pour eux. Qu'ils nous suivent aussi, ils se libèrent. Mais comme ils sont vantards, c'est ça. Ils sont supérieurs. Ils sont tellement coincés que, bon, tellement ils ont dit qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont obligés de supporter la dictature la plus atroce qu'ils vivent. Parce que s'ils parlent autre fois, on va dire, yeah, donc vous n'êtes pas civilisé. Donc, je sentais vous dire que maman, c'est un petit voyou. Vous voulez démontrer que nulle part, il a outrepassé ses fonctions. Je tente de vous démontrer le principe de civilité. Oui. Qu'à partir du moment où la CEAC, organe le plus proche du problème que l'Union africaine, paye une résolution, où il y a des présidents, Macky ferme sa bouche, il se tait. Et c'était. C'est la démission de l'Union africaine. Il n'avait plus à faire ce rapport. Il va au quartier, il se tait. Il les rapproche doucement par derrière, il va ranger ça. Et puis il vient faire son travail. Mais je vais plus loin, président, pour mettre l'eau dans ton moulin. C'est que lors de la conférence à Kigali, l'Union africaine avait pris comme résolution que les problèmes d'un pays doivent être analysés par la sous-organisation intégrée de ce pays et faire remonter, heureusement, les conclusions. Ça veut dire que la conférence des chefs d'État de la CEAC planche sur le problème, l'Union africaine suit. C'est-à-dire qu'elle sera débattue en conférence de présidents au niveau de l'Union africaine et va suivre les recommandations de sa sous-zone d'intégration. Parce que l'Union africaine, en quelque sorte, la commission des chefs d'État, coiffe en quête les sous-zones d'intégration. Et on a souvent l'impression, et l'Union africaine s'est dit que des pays, les sous-zones d'intégration, sont plus proches des problèmes. Parce que certains problèmes sont spécifiques à certaines régions. Comme par exemple la piraterie maritime. Le Cameroun peut ne pas tout à fait bien se prononcer par rapport à un pays comme la Tanzanie, proche en quelque sorte de la Somalie, sur les questions de piraterie maritime à l'entrée du Golfe d'Aden. Nous, on ne vit pas les spécificités et les tensions du Golfe d'Aden. Voilà pourquoi l'Union africaine fait ce que le président Banda a dit, de dire que à partir du moment où la conférence des chefs d'État d'une sous-région d'intégration s'est prononcée, c'est terminé. Merci. Il y a validation. Merci beaucoup. D'où vient-il qu'un secrétaire jette ça? À la limite, Il a craché sur les présidents de la CEAC, dont son président. Mais hein? Il a eu honte. Mais je dis. Il a eu honte. S'il était un homme normal, il démissionnait à l'Union africaine. Voilà. Et vous dites que est-ce qu'on peut laisser le président Badakane chuter peut-être dans quelques mots? Quelques mots, parce qu'on va prendre le dernier, on va faire derrière toutes les tables. Oui. Quand on est assis, si on parle de l'Union africaine, ils sont assis et nous regardent. Oui. Ils mobilisent leurs bien esprits. Entendu, on nous voilà. Regarde à travers non, le monde entier. Ils ne regardent pas seulement, ils mobilisent leurs esprits pour nous contredire et de montrer qu'on ne sait rien. Donc, si on dit n'importe quoi ici, ils vont inonder nos autres pour dire que les bavards là, voilà ce qu'ils disent. C'est leur travail. Mais comme nous ici, on ne dit pas n'importe quoi, voilà pourquoi nous sommes rarement attaqués dans les réseaux sociaux au niveau de nos arguments. Oui. Parce que, monsieur, il n'y a aucun. Si ce n'est pas le cas de la France, là, quel petit politicien français va s'asseoir ici? Il peut venir s'asseoir ici pour parler. Il dit, petit politicien français, là, qui va s'asseoir ici pour parler avec nous? Personne. Amenez Mélenchon ici. Il fait 5 minutes, je me lève et je pars. Je dis Mélenchon, que c'est un problème pour un héros là. Oui. Mais attention, quand ça se fait, si on est pas en train de blaguer. Nous, on a pris le temps d'élite, c'était pas pour savoir quels sont les hommes du travail de ce petit voyou. Comme moi, je suis depuis un an. Je l'ai vu venir depuis un an, au début. Déby était encore vivant. J'ai dit ici que ce monsieur veut ta place. Oui. Donc, je vous démontre que ce monsieur, il a insulté les chefs d'État, ses patrons. Oui. On est là dans le, dans la diplomatie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui dirigent l'action de Moussa Fakir. On n'est pas au quartier. Exact. Donc, à partir du moment où il a violé ça, il faut le chasser. Il doit démissionner rapidement. C'est compris, président. Et le comité militaire, de son au Tchad, dirigé par Mahamat Idibi Idno, on ne lui donne pas des conseils ou bien des ordres, mais s'il est cohérent, il doit demander, il doit retirer le mandat du Tchad à ce voyou. Exact. Il n'est plus digne. Vous ne pouvez pas. Mais quand même, attends, attendez, vous parlez de quoi là? Tous les pays qui ont dit non là, non seulement ils l'ont fait parce que, sur le plan juridique, il est hors sujet. Oui. C'est un rebelle. Oui. C'est un amazonien. Oui. Sur le plan juridique. Mais c'est quand même plus grave parce que il est en train d'inaugurer quelque chose de très grave. Et maintenant, vous avez fait une démonstration magistrale quand il vous a appelé l'histoire de ce poste qui porte une maladie. Mais quel pays va encore envoyer son quelqu'un le représenter dans une organisation internationale? Si à chaque fois qu'on l'envoie, on va représenter un pays, et lui pensera à faire carrière. En pensant à faire carrière, il sabote les intérêts de l'organisation. Voilà. Il sabote les intérêts des pays membres. Oui. Et il sabote les intérêts du pays qu'il a envoyé là-bas. Oui. Au Bakar. C'est inacceptable. Triple trahison. Sur le plan éthique, sur le plan de la déontologie, c'est un crime. Vous comprenez ça? C'est un crime. Alors, je chute avec cette question-ci. D'accord, merci beaucoup. Alors, il paraît que M. Mahamat aime trop l'Afrique, non? C'est son droit d'aimer l'Afrique. Vous avez dit qu'il aime l'Afrique. Peut-être il est fatigué de cette affaire. Et il dit que bon, maintenant, moi, je me sacrifie pour l'Afrique. OK. Vous avez parlé ici en début d'émission que la dépréciation de l'euro a augmenté mécaniquement la dette des pays africains de plus de 500 milliards. Dette du Cameroun. Si on prend la même comptée, prenez la dette du Cameroun, prenez le Gabon, prenez la dette de tous les pays qui sont encore dans cette sorcellerie qu'on appelle le franc CFA. Imaginez ce que ça veut dire en termes de la masse financière qui est dégagée. Ouais. Pourquoi Mahamat n'en parle pas? C'est ça. Ah oui. Pourquoi il n'en parle pas? Or, les principes de l'Union africaine et des objectifs, il l'autorise à le faire au cas où il veut l'interpréter, ça comme il a été l'interpréter là. Voilà. Pourquoi il n'en parle pas? C'est ça. Pourquoi n'a-t-il jamais dit un mot sur la question de France CFA? Jamais. Alors qu'il pourrait le dire, parce que son président a pris position. Oui. Le président du Tchad a pris position officiellement, dont il était même couvert. Oui. Il voulait même relayer là le discours de son président. Oui. Pourquoi il n'a jamais dit un mot là-dessus? Vous voyez des petits technocrates froids comme ça, criminels comme ça qu'on a en Afrique, qui tuent ce continent depuis, et on voit seulement les présidents qui sont là. C'est ça. Et ce sont des gens comme ça. Oui. On est confus des tâches dans le cadre d'une bagarre. Oui. D'une bagarre lourde. Oui. D'une bagarre difficile. Où les présidents s'assignent, se disent que bon, ok, on va jouer les gens là. Oui. Et on prend leur argent. Oui. On met un secrétaire à sa fonction, il finance ça. Maintenant, la conférence, on bloque. On bloque. Pour faire avancer les choses comme il n'y a pas assez d'argent. Oui. Toi, on te dit ça, mais tu viens t'installer, tu veux détruire ça. Exact. C'est traite. Merci. Je n'ai pas fini. Il faut le traiter comme tel. Je n'ai pas fini. Mais décidément, président Balakani. Je donne les arguments. Oui, allez-y. Je donne les arguments. Il faut qu'on sorte. On va sortir. Je suis en train de sortir. Oui, oui. On ne peut pas laisser ça. Oui, je sais, mais on va quand même sortir voilà. De ce sujet. Je lui avais dit depuis que maman était voit venir, je verrais comment tu deviendras président. Je lui avais dit ça. Moi, quand il prend mes dîners, je les prends. Je vais commencer comme ça avec Zamiba. J'ai dit que le jour-là, violé. Tout le gars de son pays l'a amené comparé à l'autre transportant, c'est une brouette. J'ai dit que c'est un voyou. Mon mari pendant 2 semaines. Vous voyez la suite, non? J'ai commencé à parler de ce monsieur. Voilà qui est exposé. Comment de l'Afrique? Quand je commence à traquer quelqu'un, il n'a pas s'en sortir comme ça, maman. Il est temps encore pour lui de se repentir. Donc, il faut vous dire que il a encore, lui-même s'est grillé encore lui-même. Oui. Dernier argument. Oui. dans son discours justifiant son rapport et sa demande de l'extension, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si notre organisation veut encore avoir un minimum de crédibilité, justement, il faut sanctionner le Tchad. Ah. C'est pas ce qu'il a dit. Oui. Oui. Mais justement, président Bandakani, si on ne le fait pas pour le Tchad, qu'est-ce qu'on fera pour notre pays demain? Ça, c'est le fond de ces questions. Non. C'est le fond de ces questions. Non, c'est pas le fond de la question. C'est pas le fond de la question. Vous pouvez dire ça. Oui. Lui ne peut pas le dire. Il ne peut pas. C'est le problème. Pourquoi? Il a jugé l'institution. C'est ça. Parce qu'il est en train de dire que l'institution ne vaut plus rien. Qu'est-ce qu'il fait dedans? N'a pas de crédibilité dedans. Il est en train de dire que l'institution n'a pas même de crédibilité. Bon, quand on dit ça ici, il envoie ces gens me dire que président, vraiment, tu t'as trop. Non, ça ne coule pas. Moussa Faki, c'est lui qui dit que ça n'a plus de crédibilité. Mais ça n'a pas de sens puisqu'il est président de la commission. Comment quelqu'un peut. Attends, ça dit que moi je suis Jean Poubelec. Hein, ça veut donc dire que c'est un aveu d'échec alors. Alors, qu'est-ce qu'il fait encore dedans? Donc ça s'appelle une démission. Il démissionne. Tout sera content, non? Nous, on démontre ce qu'on dit. D'accord. Non seulement j'ai convoqué des arguments. C'est l'honnête avec lui-même, il démissionne. N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, je prends la parole de la personne lui-même. Lui-même. Quelqu'un dit au tribunal que bon, je suis coupable, condamnez-moi. Oui. Le procès s'arrête. Ça s'arrête. Le procès s'arrête. Mais ça dit que c'est pas. Il démissionne. Mais, président Bandakani, ce que je voulais dire. Vous voyez, il est en train de dire à l'avocat du diable. Non, je vous parle à l'avocat du diable. C'est bien. C'est mon objectif, président. Oui, c'est bien. Nous devons éclairer les téléspectateurs, maître Tatine Dassi. Alors, je pose la question. Il dit. Si on ne le fait pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain? Non, tu vois, parce que. Non. Oui, ben, demain, on démissionne. Et dit, demain, puisque ça ne se fait pas. Donc, il doit démissionner. Parce qu'il s'est passé des choses sur lequel il a l'honneur. On devrait se rançonner. On devrait se rançonner. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fera demain? Il doit démissionner. L'organisation, il y a eu trop de problèmes. Ouais, quand vous ne m'amenez pas en arrière. Oui. C'est lui qui dit que. Il dit que si on ne sanctionne pas le Tchad, il n'a pas dit qu'on sanctionne. Il n'a pas dit que l'Union africaine adopte une politique d'extension. Dissension, autrement dit, on fait une réforme, on fait une stratégie politique et on propose à la conférence des chefs d'État qui valide les orientations politiques de l'Union africaine, conformément au texte de l'Union africaine. Parce que, écoutez, je vais vous dire une chose. Oui. Si aujourd'hui, par exemple, je deviens président d'une institution en Afrique, je vais changer, vous savez pourquoi? Je vous pose la question. Je ne vais pas changer ma pensée, mais mon comportement. Je vais changer le comportement, pourquoi? Parce que quand j'accepte de diriger une organisation, j'accepte les contraintes liées à cet texte. Tout à fait. Sinon, je refuse. Dès qu'elle dit oui, j'ai accepté les contraintes liées. Ou si ça devient compatible, tu démissionnes. Je démissionne. Ouais, parce que ce sont les tests-là qui me donnent le droit de parler au nom de l'institution. Exact. Ouais. Vous comprenez ça? Terminé. Voilà, et nous sommes des êtres mathématiques. Il ne s'agit pas de donner une opinion. On n'est pas d'occidentaux. Ce n'est pas une affaire d'opinion, machin. On ne peut pas savoir ce qu'il pense. C'est pour moi ça. Il garde sa chambre avec sa femme et ses enfants. On s'en fout de ce qu'il pense. Quand il est dans sa responsabilité, il ne pense plus. Il est un instrument, c'est un secrétaire général. Il dit, il défend l'intérêt de l'organisation conformément à ses tests. Donc, il est en train de vous dire que... Parce que vous êtes en train de dire que c'est ce qu'il faut faire demain, ce n'est pas le même débat. Oui. Il dit que si on sanctionne par le Tchad, on parle français. Oui. Il n'a pas dit une politique de sanction qui deviendrait une politique de l'Union africaine. Oui. Il dit de sanctionner le Tchad. Le Tchad. Il dit que si on sanctionne par le Tchad, nous perdons le minimum de crédibilité qui nous reste. Vous restez encore. Vis-à-vis de qui? C'est une autre question. Non, c'est pas une question, la réponse est connue. C'est patron. Alors, à partir de là, Maman lui a mis en train de dire que l'Union africaine n'a pas de crédibilité. C'est ce qu'on disait. Hein? Il a alors accepté d'être président de la commission, pourquoi? Il démissionne. Qu'est-ce qu'il fait là-bas depuis alors qu'il est conscient qu'il n'y a pas de crédibilité? Et il est au deuxième pourquoi mandat. Il envoie les gens par derrière nous voir pour dire que vous tapez trop sur nous? Parce que j'ai reçu des gens comme ça. Là, bien sûr. Vous dites que non, vous tapez de nous, voyez, c'est compliqué, machin, comme ça. Je lui ai dit, allez avec ça là-bas, c'est compliqué. Vous mangez vos euros là-bas, vous devez regarder les petits ici. Moi, de succès, vous ne servez pas pour l'Afrique. J'ai reçu alors, les gens de succès, Massra. Mais alors, donc moi, je vous dis donc ceci. Lorsqu'il juge l'institution, il a outrepassé ses fonctions. Ce n'est pas son rôle. Son rôle n'est pas de juger la crédibilité ou pas de l'institution. Que les cartésiens le disent, c'est leur droit. Que sur le plateau, les gens critiquent l'Union africaine, l'injure même. C'est une opinion, c'est normal. Mais lui ne peut pas dire que son institution n'a pas de crédibilité. Il juge l'institution à la place de ceux qui ont mandat pour apprécier la crédibilité ou pas de l'institution dans un cycle donné. C'est la conférence des chefs d'État. C'est tout. Afrique Média, le monde, c'est nous.